Quel est le repas gastronomique typique des Français en cette période de fête? Est-ce qu'il y a un menu type? Oh bah oui, enfin c'est, ça a varié au cours de l'histoire, mais c'est vrai que aujourd'hui beaucoup de gens consomment du foie gras, qui était un produit rare et de grand luxe il y a une quarantaine d'années encore, et qui aujourd'hui est devenu beaucoup plus abordable pour tous les milieux. Enfin, il y a différentes qualités de foie gras, mais c'est devenu un plat vraiment que tous les Français aiment consommer, quelle que soit leur religion d'ailleurs, mais aussi les Français aiment beaucoup les produits de la mer, tels que les huîtres, les crustacés, en particulier les crustacés rares, enfin, oui, homards, langoustes, etc. Donc c'est cette occasion. Et en matière de viande, c'est quand même plutôt une période de volaille que d'autres viandes. La dinde en particulier, bien sûr, mais d'autres volailles aussi, au moment des fêtes de fin d'année.